Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. On s'appelle et on est jeune. Donc, je reçois dans le moment même, à l'instant, là, Sophie Laforêt qui vient nous parler de musique, ce qu'elle aime, les sorties musicales de la semaine. Dans le cadre de Stéréotonine, elle se fait aller à la tête au beat. Nouveau beat. On s'appelle et on déjeune. Yes, nouvelle émission, nouveau beat. T'sais. Je pouvais pas, garder le vieux beat, de mon oncle que j'avais. Mais ton nouveau beat est vraiment bon. Ah, il est rock, mon beat. On aime ça. Ouais. Hey, je vais commencer, sans plus tarder, avec deux sorties CD. Cette semaine, je sais pas pourquoi, il y avait comme moins de sorties intéressantes, mais quand même. C'est à cause des Jeux olympiques. Ah, c'est ça. Ouais. Toute l'attention médiatique est portée vers les Jeux olympiques. C'est ça. Mais donc, Peter Gabriel, ça ne l'a pas empêché de sortir une compilation. Tu viens de me rappeler que c'est l'album quasiment de l'année que je vais me procurer. Ah ouais? Oh, oui, vraiment. J'ai lu un peu là-dessus. Ça a l'air génial. Mais... J'aurais aimé ça que tu me dises, j'ai entendu, parce que moi aussi j'ai entendu parler de l'album, mais je ne l'ai pas écouté encore. Moi non plus. Puis c'est partagé. Il y a des gens dans mon entourage qui l'ont écouté, puis il y en a qui trouvent ça assez spécial. On vous explique le concept de l'album. Peter Gabriel reprend des classiques de la musique et des nouveaux classiques, devrais-je dire. Donc sur cet album-là, on a du David Bowie, Paul Simon, Elbow, Bon Iver, Talking Heads, Lou Reed, Arcade Fire... Ensuite, Randy Newman, Regina Spektor, Neil Young et finalement Radiohead. Et entre tout ça, j'ai oublié The Magnetic Fields. Eh bien, donc, je suis présentement sur le MySpace de M. Peter Gabriel. Et tout ce qu'on peut entendre, en fait, c'est un extrait de 30 secondes d'une pièce qui se nomme Flume. Ça, c'est de Bon Iver. Bon Iver. B-O-N-I-V-E-R. Eh bien. Ouais, c'est une excellente pièce. Si on a du temps, on ira l'entendre. Peux-tu qu'on aille l'entendre dès maintenant? Ben oui, on pourrait. Comme ça serait fait. Ben oui, un petit extrait donc, de cet album de Peter Gabriel dans quelques instants, le temps que je prépare le tout. Ça prend beaucoup de préparation. C'est tellement une bonne idée. Ben, okay. On peut faire ça. Ben oui, pourquoi pas. Donc, voici Flume de Peter Gabriel, une reprise de Bon Iver. C'est bien ce que je comprends. Oui, exactement. Hein? Donc, un album que j'ai bien hâte de me procurer. J'adore Peter Gabriel. Et donc voilà, c'était petit extrait, court extrait de 30 secondes donc du nouvel album de Peter Gabriel, tiré de son MySpace. Et l'album s'appelle Scratch My Back. Alors, un Peter Gabriel qui veut se faire graffiner dans le dos. C'est beau quand même. Quand même. C'est original. Ouais. Et on vient d'entendre Bon Iver. Je trouve que Peter Gabriel le fait beaucoup plus, avec une voix beaucoup plus portée, parce que l'original, c'est folk et assez... petite voix là, intime, mais pas... Il remanie la pièce. Bon, en fait, c'est ça que j'avais lu, justement, qu'il remaniait un peu à sa façon les pièces des autres, quand même. Puis Gabriel, qui a une voix quand même assez très bonne. Ouais. Assez très bonne, assez à son âge bonne. En plus, et quand même une bonne portée. Puis j'imagine que, comme moi, t'as hâte d'entendre Street Spirit de Radiohead. Oui, vraiment. Ça j'ai très, très hâte. J'entends ça chez nous, je pense, comme énervé en y pensant. Et l'autre sortie CD, c'est la berlinoise Hélène Alien, qui est une DJ de Berlin, donc, avec un album Watergate 05, qui est en fait une reprise des hits qui... je vais recommencer. C'est une reprise de ses pièces favorites à elle qui ont joué dans un club de Berlin qui s'appelle Watergate. Donc, c'est une reprise des pièces qu'elle a entendues dans ce club. Ouais, des pièces qu'elle aime. C'est quand même bien. Ouais, ouais. C'est concept cette semaine. Peter Gabriel qui reprend des pièces d'artistes qu'elle aime bien et elle qui reprend des pièces qu'elle a entendues dans un bar. Ouais. Alors c'est le 16 février, c'était une date pour ça, pour les reprises. Ouais, une date de reprise. Oui, alors c'est les deux seules sorties qui m'intéressaient. Il y avait autre chose qui ne m'intéressait pas, alors je ne le mentionnerai pas. C'est bien normal, on laisse le restant de la job de bras à Kiwan, qui habituellement fait une job de ça le mardi aussi. Mais je ne sais pas s'il a parlé de ces albums-là en particulier. Je ne sais pas, mais il y a des albums, je suis sûre qu'il n'en parlera pas non plus, parce qu'on n'a pas envie d'en parler ici. Ah, ça se peut bien. Ah ben, oui. Ah, ben, tu m'en parleras pendant les pauses musicales de ces albums que tu voulais pas parler. Parfait, on fait ça. Mais aujourd'hui, ce dont je viens vous parler, c'est d'une formation que j'ai découverte cette semaine qui s'appelle Waving Hand, un trio de Québec. Et c'est un peu par hasard que je suis tombée sur leur album. Je m'amuse des fois quand j'attends pas vraiment de disque, que j'ai pas d'attente. Je vais dans la discothèque de C'est Fou, puis je prends une pochette qui m'inspire comme ça au hasard. Et la pochette, c'était deux loups ou deux chiens qui avaient l'air de se battre, quelque chose comme ça. Je sais pas, ça m'a inspiré. J'ai pris la pochette. C'est le fun de faire ça. Oui, c'est prendre le fun. Prendre un disque, puis de d'avoir la première impression par la pochette. Par la suite, écouter ce qu'il y a dessus. J'adore faire ça aussi. Oui, ah ben, je suis contente de savoir que je suis pas la seule à faire ça. Puis là, heureusement, des fois, on tombe sur des choses pas très bonnes, mais ouais. Là, j'ai vraiment eu la chance de mon côté. C'est une excellente formation, de Québec en plus. Donc, on va l'entendre un premier extrait avant d'en parler davantage, comme ça, on saura de quoi on parle. On va aller entendre la pièce de Men Living on the City Landfill Site. Et on en reparle tout de suite après. Très bien, donc on va entendre ça dans le cadre de stéréotonine. Stéréotonine. Oui, dans le cadre dont s'appelle Léon Desjeunes, donc Sophie Laforêt, qui vient nous parler de Waving Hand ce matin. Voici le nom de la pièce déjà. The Men Living on the City Landfill Site. Ah, c'est bon ça, tu t'en rappelles. Très bien. Donc on se retrouve dans quelques instants pour continuer à parler de ce groupe. Yeah. C'était la formation Waving Hand avec la pièce de Men Living on the City, Landfill Site. Une excellente formation, ou plutôt un trio de Québec. Et leur mini-album Places est paru le 3 février dernier. J'ai mis la main là-dessus par hasard, comme je le mentionnais plus tôt. Un EP, comme on dit. Un EP, exactement. Et donc, c'est principalement chanté en anglais, ce mini-album-là, bien que deux des titres soient en français, soit Bonne nuit, mon cœur et Bal masqué. Et ne pas faire... C'est pas la version, c'est pas une reprise de la compagnie créole. Non, c'est ça. Non, pas du tout. Déçu. Et, déception. Ouais, hein. Ça aurait été pas pire, mais persécution. Non. J'ai pas de reprise. En tout cas... Laisse continuer. Oui. Donc, la musique de Waving Hand, comment elle pourrait être décrite? Comme du rock expérimental avec une petite touche électro. Simplement. J'ai pas le goût de rajouter autre chose. Mais c'est bon. C'est très bon. Ça sonne très bien. Ça sonne très bien. Puis ce qui est drôle, c'est que, tu sais, justement, le côté un peu expérimental, psychédélique, moi, je trouvais que ça y avait un petit côté Animal Collective, tu sais, puis c'est quand même rare, peut-être, de trouver des petits bands comme ça, tu sais, de Québec ou de Montréal qui font quelque chose d'aussi poussé. Là, j'ai vraiment trouvé ça très, très bon musicalement. Puis, il y a un extrait tiré de leur MySpace qui décrit ou plutôt qui nous informe à propos de ce mini-album-là. Ils disent, après un an de composition et d'imprévus, le mini-album Places arrive. L'idée est simple, 6 pièces éclectiques inspirées par 6 lieux différents. Celle-ci propose des mélodies à la fois nostalgiques et entraînantes, auxquelles sont ajoutés des textes équivoques proposant de courtes histoires inspirées par ces 6 endroits. Hey, concept. Concept intéressant. Et les pièces qui sont très différentes les unes des autres. La première pièce s'appelle 310 et elle est entièrement instrumentale. Et les autres, sont un peu comme celles qu'on a entendues, vivantes. En tout cas. Plaisante, c'est ça. Plaisante à l'oreille. Et il est possible de télécharger leur mini-album en ligne au www.wavinghand.blogspot.com. C'est pas gratuit, mais c'est peu coûteux quand même. Ben, et sinon... Ça coûte pas cher, c'est le fun. Ouais, c'est ça. C'est peu coûteux. Je me souviens pas du prix exact. Puis sinon, vous pouvez, avant l'achat, aller écouter l'ensemble de leurs pièces sur leur MySpace. Donc, au complet, pas seulement des extraits. Le myspace.com/ Waving Hand. Yes. Est-ce qu'il y a des versions, je dirais, physiques? Est-ce qu'il y a des CD ou des vinyles de ce mini-album ou de leurs albums? Ou... Il y a une version physique CD, mais je pense pas vinyle. Je sais que t'es un amateur du micro-sillon, mais non. Parce qu'en plus, les hippies, ça se met bien sur un gros 45 tours ou même sur un album de 12 pouces. Ouais, mais peut-être plus tard, peut-être pour leur premier... leur premier album studio complet. Peut-être que ce sera possible. Ce serait plaisant. Puis, avant d'aller entendre la dernière pièce, si vous avez aimé, ils seront en spécial le 13 mars prochain au Quai des Brumes de Montréal avec Mono Grenade, qui est une autre formation de Québec. De Montréal. C'est bon, Mono Grenade. Je pense tout le temps qu'ils viennent de Québec, mais non, de Montréal. Oui, c'est super bon, Mono Grenade. Donc, ils vont être en spécial le 13 mars au Quai des Brumes ensemble avec une autre formation qui s'appelle Who Are You? Mais je me souviens pas à quoi ça ressemble, Who Are You? Faudrait que je réécoute. Ben, c'est comme The Who. The Who. Ouais, mais avec Who Are avant. Who Are. Ouais, mais ils ont une pièce, puis un album qui s'appelait Who Are You. Ah. The Who. Ah, ben ça, je savais pas. Mais ça, c'est toi, là, qui est plus dans la culture. Ouais, dans les vieilles rock, affaires de la musique. Mais c'est bien. Ça manque à ma culture, comme on dit. On va l'entendre une dernière pièce, donc, de ce mini-album, Abandoned Church. Church. Merci, Simon. Donc, groupe qui sera en spécial le 13 mars au Vieux Quai, ou plutôt peut-être en spectacle ou en prestation. Ah, c'est moi qui ai dit ça? Oui, en spécial. J'ai dit en spécial. Mais oui, mais ils vont être en spécial duo. C'est ça que je voulais dire. Ah, spécial duo. Ouais, mais j'ai peut-être pas entendu de duo. Je sais pas, sûrement que j'ai des courses à faire aujourd'hui, puis là, je me suis dit, ils vont être en spécial. Ça se peut. Hein? Ben, on sait jamais. J'ai vraiment dit ça. C'est des choses qui arrivent quand on fait de la radio sans filet. Mais oui, ils vont être en spectacle. En spectacle. Donc, on va aller entendre Abandoned Church de Waving Hand. Merci. Ben non, pas merci. On va se revoir après. Plutôt, c'est un conseil de Sophie Laforêt dans le cadre de Stéréotonine. On s'appelle Léon Desjeunes jusqu'à 9h. Trois-Rivières, restez avec nous. Et voici Waving Hand, Abandoned Church sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Thank you. found one of your houses. The walls were falling in on the street. We shared this place for creeds and donnies. We shared this place for creeds and donnies. Best for greeds and donnies. We shape this best for greeds and donnies. We found your house. Alors, dans le cadre de la chronique Stéréotonine, on vient d'entendre la pièce Abandoned Church de la formation de Québec Waving Hand. Voilà. Oui, Abandoned Church, donc de Waving Hand, Stéréotonine. Merci, Sophie, de m'avoir, aidé. Donc, alors que j'essayais de placer mes trucs, puisque c'est l'émission tire à sa fin. Et est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Non? J'espère que ça vous a plu. Ben oui. C'est ça mon but, de vous faire découvrir des trucs intéressants. Fait que c'est pas mal ça que... Sophie Laforêt, qu'on peut entendre les lundis et mercredis dans le cadre de Stéréotonine. Oui, lundi, ça change un peu. Une fois de temps en temps. Ouais, ça change. Les implications scolaires font que ça bouge un peu. On peut entendre une fois de temps en temps. Ouais. On s'appelle Lyon des Jeunes le matin, exact. Qui est également une émission le lundi après-midi de 13h à 15h. Ouais, chérie, m'écoutes-tu? Ouais. Chérie, m'écoutes-tu? On ne sait pas. On ne sait pas. Si vous m'écoutez, en tout cas. Nous, on t'écoute, en tout cas. Puis d'ailleurs, si on te manque le lundi, on peut t'écouter le mardi de 17h à 19h en rediffusion. Et sur Internet, balado-diffusion, tout le kit, entre autres. Il y a les chroniques tes chroniques de C'est fou qui se retrouvent sur le site Internet. Et si on est amis Facebook, on peut aller sur le MySpace aussi de Chérie m'écoute-tu pour entendre les rediffusions. Mais oui, on peut aller aussi sur le blog. Moi, je suis comme multiplateforme, là. J'arrête plus. T'exploites Sophie... bien les potentiels du web. Ouais, ben ouais, peut-être trop, hein. Ça fait que je suis trop dans mon ordi, mais en tout cas. Sophie aime la musique.blogspot.com. Puis là, vous avez l'ensemble des liens qu'on vient de mentionner, soit le MySpace, le Facebook, chronique en balado et émission en balado. Je trouve ça vraiment admirable parce que j'ai un blog où j'essaie de mettre les trucs de mes émissions de radio. Je suis même pas capable de le tenir à jour. Toi, tu vas voir un show, puis le lendemain matin, il y a un billet, puis. Félicitations. Ouais, mais j'ai pas d'amis. Non, c'est pas vrai. Ben moi non plus, j'ai pas d'amis, j'ai pas de vie, moi. Je reste ici, tu sais, ma chambre est dans le sous-sol du studio. Ah, c'est ça la trappe? Ouais. OK. Moi puis Mathieu, dans le fond, on a une chambre avec des petits lits de camp, puis on reste là. Ah, c'est juste pour les gosses, pour ça, moi, je dors chez nous.